moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Salut Claire. On est là. Donc c'est pas grand. Hein. Ah ouais. C'est la petite cabane. C'est quoi le groupe? Painful Places. Avec à la batterie. À la batterie, c'est Claire. Jérôme à la guitare. Denis au chant. Franck à la basse. Et vous êtes tous skateurs? Oui, on skate tous. Hey. On fait quel morceau? Bah, 6 inch, non? 6 inch, ouais. C'est le morceau sur skate. Si on arrive à jouer. Wow, ça se fait bien, il se fait bien ce morceau. C'est un bon morceau. On essaye. Skate de la rue au JO. Troisième épisode, les skateuses prennent la rue. Raphaël Kraft, David Jakubowiez. Je m'appelle Marine Montesinos, j'ai 24 ans et je viens de finir mes études en septembre. Le premier skate sur lequel j'ai skaté. Ah oui. C'est un skate, je crois que c'était Carrefour, c'était à ma mère. Elle l'a eu quand elle était jeune. Un skate en plastique avec des trucs vraiment pas du tout le même système qu'on a maintenant. On avait quand même déjà des gommes. En fait, les gommes sur un skate, c'est ce qui nous permet de tourner sans lever l'avant du skate. Donc ça va être juste avec un jeu où on va appuyer sur les talons et sur les pointes de pied. C'est ce qu'on utilise principalement pour tourner dans les bols. Bonjour. Ton prénom ? Géraldine. Et c'est toi la skateuse de la famille avant ta fille ? Écoute, j'ai l'impression que je suis un peu l'instigatrice. Non, en fait, moi j'ai skaté effectivement quand j'avais 13, 14, 15 ans, avec des skates un peu d'occasion et de première gamme. Dans les années 70 ? Entre 77 et 80. Et puis en même temps, j'avais la chance d'avoir un cousin qui passait régulièrement à la maison et qui lui faisait vraiment du skate parce qu'il a été champion de France... Je crois qu'en 1983, ils faisaient du saut. Donc en fait, voilà, j'avais cette idée de skatouiller. Et ça m'est resté pendant un certain temps. Et puis bon, après, le skate, c'est quand même quelque chose qui n'est pas non plus hyper développé en France. Je suis passée à d'autres sports en compétition. Et le skate, je l'ai gardé soigneusement, tout en gardant dans ma tête cette image du skate un peu trash. Et donc Marine, elle est arrivée au skate par un concours de circonstances. Je ne sais pas si elle s'y intéressait avant, peut-être. Et puis un jour, elle avait une clavicule cassée. Elle se casse la clavicule le jeudi. Et le samedi, déprimée comme elle était, je lui dis, écoute, il y a un événement de skate sur Grenoble. Viens, on va faire un tour. Ça ressemblait à quoi cette première compétition au skatepark de Grenoble que ta mère t'a emmené voir? Ça ressemblait à une compète punk où c'était n'importe quoi. J'étais sur le bord du skatepark et en fait, il y avait un gars qui skatait, il envoyait pas mal et tout. Je crois que là, c'était un air qu'il allait faire, donc il allait sortir en dehors de la courbe pour après re-rentrer dedans. Et en fait, il est tombé et son skate, avec la vitesse qu'il avait, a été envoyé en dehors du bol dans lequel il était. Et ce skate m'est arrivé dessus, en fait. Il m'est arrivé bizarrement sur la clavicule que j'avais pétée. Et pour moi, ouais, ce qui était drôle, c'est qu'à ce moment-là, j'avais une GoPro à la main et je filmais. Donc en fait, j'ai la vidéo de cette scène où je me prends le skate. Et j'avais republié cette vidéo il y a pas longtemps en disant, est-ce que c'est moi qui attire le skate ou est-ce que c'est le skate qui m'attire? Ce qui m'a attiré déjà, c'était cette ambiance qu'il y avait, genre... Vraiment, du coup, une sorte d'énergie où t'as toute la musique et tout, ça te donne trop envie de te dépasser. Enfin, même moi qui avais encore jamais skaté, j'étais là en mode j'avais envie d'aller dans le bol et de faire du skate. Je trouvais ça beau et fluide. Ça m'a trop donné envie de tenter. Alors c'est une femme qui fait la première couverture d'un magazine dans l'histoire du skateboard. C'était quand, 1965, Time Magazine ou Life ? C'était dans Life et en fait c'est une couverture qui nous parle énormément quand on s'intéresse un peu à l'histoire du skateboard parce que on a tous cette couverture en tête. Donc un poirier sur un skate. Ouais, c'est ça. Elle était en fait en équilibre sur les mains, donc c'était une figure qui se faisait beaucoup à cette époque-là. Elle, c'était qui ? Patty McGee, je crois que ça se dit. C'est quel contexte ? C'est la première vague d'essor du skateboard aux États-Unis. On est en 1965. Pendant ces deux premières vagues qui vont survenir donc entre le début des années 60 jusqu'à la fin des années 70, la femme a toute sa place dans le skateboard, même si elle ne représente qu'un quart à peu près des pratiquants et des pratiquantes. C'est ça. Je dirais que c'était une période où le skate était beaucoup moins genré. Et en fait, c'était une période où le skate, il n'y avait pas, comme on va le retrouver dans les années 80, une masculinisation du sport où du coup, on va chercher plus l'agressivité, on va chercher à montrer qu'on est de vrais hommes, on va chercher à montrer qu'on a des beaux skateboards avec des belles skateuses les seins à l'air dessus. Et en fait, on se rend compte que dans ces années-là, l'industrie a cherché à donner une image au skateboard pour que, du coup, l'industrie puisse se relancer. Cette image s'est tournée vers la rue, s'est tournée vers l'agressivité et s'est tournée vers la masculinisation. Donc, l'exclusion des femmes. C'est interdit de venir faire du roller. Ça, vous insistez, vous, là, la jeune fille, là. Déjà hier, vous êtes venu. C'est interdit. Allez, place de la République. Vous avez toute la place. Die, God, die! Dice comme dice, ça parle de quoi ? Meurs, meurs ! Il m'énerve, voilà. Il m'énerve. C'est ça, parce que le hardcore, c'est aussi un peu de l'expression de la colère, un peu brute, voilà. Donc, bon, tout ceci ouais. Est très féminin, finalement. Ouais. Pff, bah, il n'y a pas de... Qu'est-ce que la féminité, j'ai envie de dire ? Donc, je suis Claire Barbier, certaine. Je suis graphiste. Et je skate depuis 1996. Ça se passe comment, cette rencontre avec le skate au cœur de votre adolescence dans les années 90 ? Alors en fait, j'ai découvert le skate en passant sur une place à Saint-Étienne, la place Chavanel, qui était un spot à l'époque. Et j'ai vu des gars faire du skate. Et en fait, je ne pensais pas qu'on pouvait faire des figures avec un skate. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer de faire ça. Du coup, je suis allée m'acheter une planche à Décathlon. Une planche premier prix, vraiment le truc naze de chez naze. J'ai motivé une copine à moi pour m'accompagner, parce que je connaissais personne, donc je savais pas trop comment ça se passait. Donc on allait sur cette place, et ça a commencé comme ça. J'ai vite vu qu'il n'y avait pas de filles en fait, qui pratiquaient, et quand ils m'ont vu arriver, ils sont un peu demandé ce qui se passait, quoi, parce qu'ils n'avaient jamais vu de filles sur une planche. Et donc je me suis dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les filles ne font pas de ce sport ? Après, j'ai vite compris que c'était un sport qui faisait mal, qu'on tombait beaucoup, on est dans la rue, donc on est confronté aussi à la population qui est dans la rue. Donc c'est vrai que pour une fille de 16 ans, je ne sais pas comment dire, mais on se confronte à des choses un petit peu de la vie un petit peu dure, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui en faisaient. Et comme on pratiquait dans la rue, comme il n'y avait pas de skatepark, forcément on était... confrontés à tout ça. Voilà, les passants qui nous jettent des trucs, les mamies qui nous donnent des coups de sac, les gens qui nous balancent des seaux d'eau par la fenêtre parce qu'on skate sous leur fenêtre, des flics qui nous coursent aussi. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois et c'est vrai que... Bon, après, ça fait des anecdotes à raconter, mais sur le coup, on n'est pas, on fait pas le malin, quoi. Mais bon, nous, on s'en fichait. Nous, on pratiquait, c'est tout. On voulait juste faire du skate. Souvent, il y en avait un qui venait nous dire « Bon, bah, faut partir, vous avez pas le droit de rester. » Puis nous, bah, qu'est-ce qu'on faisait? On restait, forcément. Et puis, bah, une heure plus tard, il y avait des flics qui arrivaient en voiture, qui se garaient et qui nous coursaient et qui voulaient nous attraper, quoi, pour qu'on finisse au poste. Vous avez déjà fini au poste? Pas de cette manière-là. non, pas par rapport à ma pratique du skate, non. Ça me pousse à vous demander quel genre d'adolescente vous étiez à 16 ans quand vous commencez. Quand j'ai commencé le skate, j'avais rien de spécial en fait. J'écoutais pas de musique spécifique. J'étais attirée par pas grand chose. Et en fait, dès que j'ai découvert le skate, ça m'a, je sais pas, dans mon cerveau, ça fait un truc. Enfin, ça m'a fait découvrir toute la culture. Et à Saint-Étienne, il y avait une très grande scène musicale de punk rock. Et dans les vidéos de skate, il y avait beaucoup, beaucoup de punk rock et de hardcore. Et du coup, tout s'est lié, en fait, à ce moment-là. Et ça a créé, en fait, en moi, bah, cette passion qui dure bah, depuis tout ce temps, quoi. Ça a changé complètement ma vie. Toutes les portes sont ouvertes, quoi. De la créativité, de la rencontre, des amitiés. C'est pas tout, c'est tout ça. Est-ce que le fait de commencer le skateboard, de devoir être entouré d'un environnement exclusivement masculin, ça vous a changé dans votre façon de vous habiller, de parler, d'appréhender la vie et le monde ? Je pense pas. J'ai toujours été dans un milieu plutôt masculin. Je me suis toujours entendue plus avec les garçons, en fait. J'avais pas beaucoup d'amis filles. Et en fait, je pense que c'est un peu la continuité, tout simplement, quoi. Et après, bah, la manière de s'habiller, bah, c'est ce qu'on voit dans les vidéos de skate, c'était dans les magazines. Et puis, comme il n'y avait pas de femmes non plus qui étaient mises en avant, à part Elisa Steamer, c'est vrai qu'on n'avait pas de modèle à cette époque, pas trop. Il y avait Jane O'Brien un petit peu en rampe, mais on n'avait pas vraiment de modèle, donc finalement, je m'habillais comme les autres, quoi. Alors, moi, je ne sais pas comment on s'habillait skate dans les années 90. On s'habillait comment ? Très grand. Des gros baggies. Donc moi, je prenais les pantalons de mon père qui étaient du 46. Donc vu ma morphologie, vous imaginez un peu à quoi je vais ressembler. Donc c'était des grands t-shirts. Et puis, mais c'était aussi un peu se cacher, quoi, hein, de porter ces grands trucs. Après, je pense qu'on est dans un moment dans l'adolescence où on est un petit peu pas super bien avec son corps, justement, avec l'évolution. On ne sait pas trop comment faire, quoi. Donc finalement, trouver ces vêtements qui étaient grands et qui cachaient un peu tout, ça me convenait parfaitement. On montait le plus haut dans Saint-Étienne. La Saint-Étienne, c'est une ville qui est, c'est des collines, c'est des rues qui sont en descente. Donc, aller d'un bout de la ville et se dire, bah, on traverse la ville à fond, on prend tous les spots qui sont sur le côté, à droite, à gauche, et on descend jusqu'en bas, quoi, à fond, tous ensemble, et on entend le bruit assourdissant, en fait, des roues quand tout le monde skate en même temps, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc hyper satisfaisant, quoi. Pourquoi n'y a-t-il pratiquement aucune femme qui pratique à cette période dans les années 90? Il y avait le fait qu'on était dans la rue, qu'il n'existait pas d'école de skate, il n'y avait pas de club de skate où on pouvait prendre sa planche, aller au club et apprendre tout simplement. Là, il fallait avoir un petit peu de force de caractère, on va dire, pour s'imposer dans la rue et être face aux garçons aussi. Et en fait, il y avait beaucoup de filles qui se mettaient au skate et qui avaient des copains qui faisaient du skate. Donc forcément, ça aidait beaucoup plus. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés par ce biais-là. Oui, la notion du passeur, le gatekeeper en anglais, était très importante. Je pense, oui. Ouais, moi, ça n'a pas été mon cas, mais je pense que ça a été le cas de beaucoup de filles. Hier, on a assisté à la répétition de votre groupe de punk rock. Comment s'appelle-t-il déjà ? Painful Places. Painful Places. C'est ça, oui. C'est le skate, ça. Oui, oui, oui. Painful Places, c'est les endroits difficiles. Les endroits douloureux, ouais. Comme si, quand on se prend un coup de planche, quand on se fait mal en skate, ou dans la vie, tout simplement. Lorsque vous dites, bon, il n'y avait pas de filles à l'époque, et c'était à nous de changer les choses, c'est une réflexion a posteriori, ou lorsque vous avez 20 ans, dans 2000, Vous êtes animée par cette idée qu'il faut que les femmes fassent du skateboard? En fait, dès le moment où j'ai vu qu'il n'y avait pas de filles, je me suis dit « Pourquoi ?» Et après, du coup, je suis allée chercher un petit peu déjà autour de Saint-Étienne, voir s'il y avait d'autres filles. Ben, j'en ai pas trouvé. Donc, je commençais à aller un petit peu plus loin. Un des premiers contests que j'ai fait, c'était à Bourg-en-Bresse. Pas de filles. Donc, j'ai commencé à augmenter en fait mon cercle de compétition et où j'allais pour voir s'il y avait des filles. Et j'ai commencé à en trouver sur des compétitions un peu plus grandes, en fait, finalement. Et là, j'ai commencé à rencontrer des filles où on était trois ou quatre. La première, c'est qui ? Les premières avec qui j'ai fait des compétitions, on va dire, c'était à l'époque, c'était Célia Santenac, il y avait Émilie Rougier, il y avait Sonia Kenfesh, il y avait Manuel Charnot aussi, voilà, des filles comme ça, et on a commencé un petit peu à se retrouver sur les compétitions, quoi. Et puis après, on a commencé à créer un petit groupe comme ça de filles, il y avait Aurélie Jolme aussi à Paris, et on a commencé à skater comme ça, à se retrouver, quoi. Et à se constituer en réseau. Et oui, se constituer un réseau. Et aller aux compétitions aussi pour dire, bah, là, il y a des filles, quoi. Donc, prenez en compte le fait qu'il y ait des filles qui skatent et dire aux filles qui étaient dans le public, qui avaient peut-être envie de faire du skate, bah, de monter sur une planche, de voir que c'était possible. C'était pas un militantisme. Enfin, moi, je l'ai pas senti comme ça. C'était plus, il fallait y aller, montrer qu'on était là et puis faire avancer les choses, quoi. Quand vous vous constituez en réseau de femmes qui skatent, que voulez-vous changer ? On n'avait pas ce truc de fille, de femme, en fait. Pas encore, en tout cas. Après, je l'ai connu un peu après, où justement, il y a eu un petit peu plus de filles qui en ont fait, et on a eu un impact un peu plus important, quoi. À partir de quand ? On va dire à partir des années 2000, 2002. Et après, c'est ce qui nous a donné aussi l'idée de monter le site internet Poseuse Crew. Poseuse. C'est quoi une poseuse en skate ? Bah, à l'époque, ou même toujours d'ailleurs, une poseuse, c'était une fille qui avait une planche juste pour faire style, je fais du skate mais j'en fais pas, quoi. Juste pour attirer les garçons, tout ce que nous, on n'était pas, en fait. Nous, on s'en foutait des garçons, on n'était pas là pour aller pécho, quoi, hein. C'était pas du tout notre truc, donc... C'est un pied de nez, en fait. Ouais, c'était un pied de nez, ouais, je pense que c'était cette idée-là. Et donc, on a créé ce petit crew, parce qu'on était plusieurs à super bien s'entendre, à se donner rendez-vous sur les compétitions, on se filmait, on se faisait des week-ends et tout. Et à la fin de chaque trip, je montais une vidéo et je la mettais sur le site, justement, pour montrer tout ce qu'on faisait et pour donner envie aux autres de se faire du skate. Et puis montrer qu'on s'amusait, quoi, c'était que notre pratique du skate, c'était celle-là, quoi. Alors, je m'appelle Marion Deken, je réalise des documentaires depuis une dizaine d'années et j'en ai fait 3 ou 4 qui parlaient de skate, qui est ma culture familiale, on va dire. Hein. Et à un moment, dans mes documentaires, j'ai réussi à mixer mon mode de vie, ma vie et puis mon métier. Et ça, quand on arrive à ça, c'est merveilleux. C'est en quittant votre amoureux que vous montez sur une planche de skate. Ouais, c'est mignon, Raphaël, de dire que c'est en le quittant, parce que c'est lui qui m'a quitté. Je suis désolé. Bah, ça arrive au meilleur, et en plus, au final, je le remercie d'avoir fait ça, parce que en fait, non seulement il m'a quitté, mais c'était un gros macho du Sud-Ouest, et il m'a dit mais pourquoi tu restes dans ce milieu, etc. Et moi, je me suis dit mais merde, ça fait quand même 10 ans que je suis là. Déjà, je me fais quitter. Alors, si en plus, je perds tous mes potes. Et du coup, je me suis dit, attends, mais mon gars, en fait, je vais créer, je vais faire des photos, je vais faire des images et tout ça. Et je vais te poursuivre sur la toile. Mais que t'es pas prêt. En fait, tu vas ouvrir ton internet, tu vas tomber sur moi. Ça a été au départ ma volonté de parler de skate et d'exister dans ce milieu très masculin. Ouais, une histoire de revanche, une histoire de cœur, en fait, hein, une peine de cœur. Et je me disais, mais je suis tellement malheureuse qu'il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Et donc, j'ai créé mon identité sur Instagram. Voilà, j'ai créé un Tumblr, j'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé à traîner dans le milieu. Je n'ai eu de cesse que d'avoir des parutions dans des bouquins de skate, de commencer à filmer du skate, etc. Jusqu'à 10 ans plus tard, faire un film sur mes sœurs de skate. Donc là, je pense que la boucle était bouclée. Hein. Il a fallu 10 ans pour que je me dise que, en fait, j'avais mûri ma vengeance et digéré ma rupture, on va dire. Donc merci, merci Olivier, si tu te reconnais. Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? Vous dites que vous avez créé votre identité donc sur Instagram, Tumblr, les réseaux sociaux en général. C'est quoi l'identité d'une femme qui débarque dans le monde du skateboard il y a 20, 30 ans, alors qu'il n'y a pas de femme, ou si peu ? J'avoue que c'était j'ai essuyé des remarques, évidemment, j'ai essuyé des remarques. Du coup, pendant des années, j'ai pas osé monter sur un skate. Donc, j'étais sur le banc de touche, mais c'est sans doute ce qui m'a permis d'apprendre à photographier, à filmer le skate, parce que quand on filme, quand on photographie, on est au service des autres et il faut s'oublier soi-même. Et un jour, n'y tenant plus, je suis montée sur un skate et là, j'ai dit, mais pourquoi je l'ai pas fait avant ? Maintenant, j'avoue qu'à chaque fois que j'arrive sur un spot, je suis partagée entre le fait de prendre des photos ou filmer les potes ou alors m'occuper de ma poire et progresser, quoi. Enfin, voilà, c'est un truc qui se partage avec les potes, mais qui est vraiment une bataille personnelle, le skate. Et en fait, j'adore ça. J'ai lu dans une interview que vous avez donnée à un magazine de skateboard que les femmes de votre génération, donc les pionnière en quelque sorte, vous aviez besoin de gommer votre féminité pour pouvoir être, sinon accepté, au moins partager des espaces de pratique du skateboard. Pour moi, ça n'a pas été très compliqué. J'ai un côté assez androgyne. Et je pense que les premières filles qui ont skaté, elles avaient ce côté-là. Et c'était assez facile pour elles. Surtout en street. Le street, c'est dans la rue. Et de toute façon, l'espace public, il n'est pas fait pour les femmes. Il n'est pas accueillant. Ouais. Il n'est pas très accueillant. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, qui que tu sois, quelles que soient les filles, quelles que soient si tu es en robe à paillettes, tu es la bienvenue. Il faut qu'on en arrive... à ça. Et c'est pas que dans le skate, quoi. Enfin, c'est pour toutes les filles, des plus girly aux plus androgynes, ou en tout cas. Mais oui, bien sûr, il vaut mieux se planquer, quoi. Enfin, c'est plus facile. C'est plus facile. Dans cette même interview, vous dites il y a une proportion de femmes homosexuelles énorme et complètement assumée dans le skateboard. Waouh. Oh, l'affreux. Vous l'avez dit. Ouais, je l'ai dit, je me l'explique pas, mais je sais pas à quoi c'est lié. Je parle du street, de la discipline du street essentiellement, et j'ai pu le constater au niveau international, mondial. Il y a une proportion plus élevée de femmes homosexuelles versus la société française et sans doute internationale. En tout cas, ces nanas-là, elles sont homosexuelles et clairement, elles l'assument. Alors que chez les skateurs hommes, il y a évidemment, comme dans beaucoup de sports, un énorme tabou. Et finalement, il y a très peu de gars qui ont fait leur coming out. Et ça date de très récemment. Brian Anderson, je dirais en 2020, quelque chose comme ça, enfin il y a 3-4 ans, qui est le premier skateur pro américain en fin de carrière qui dit « bah voilà les gars, je suis homosexuel ». Depuis, c'est allé très vite. Et je pense qu'encore une fois, les femmes ont fait leur boulot, hein. C'est-à-dire qu'en s'assumant en tant que femme et homosexuelle, quelque part, elles ont ouvert la porte au reste, quoi. Et elles ont fait rentrer des transgenres, des gars homosexuels qui maintenant assument de le dire. Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, faut pas rêver, mais il y en a un peu plus qu'avant. C'est très récent. I know you've been... I know you've been... Vous écrivez... Vous constatez que il y a 3 types de féminité dans un skatepark. Tomboy, bitch et lesbienne. Qu'est-ce que c'est ? La tomboy, bah justement, ça va être plus celle qui va rentrer dans ses codes de masculinité sans les remettre en question. Donc elle va vraiment, se conformer et s'intégrer au groupe masculin. Et pratiquer pour elle. Et Marine Montesinos. Trouver sa place, en quelque sorte. Skateuse. En adoptant des codes de masculinité, conquête du territoire, ouais. Agressivité, radicalité. C'est ça. une skateuse qui du coup va adopter des comportements masculins et qui vont devenir même bof en fait, comme les gars qui sont autour, moi la première. Après on a la deuxième qui va du coup être la skate bitch, qui elle en fait va remettre en question tout ça. Alors skate bitch ça veut dire quoi? Comment on pourrait le traduire? La salope du skate. Qui du coup, par ses comportements, remet en question tout ça. Et en fait, s'affranchit des codes de féminité, mais s'affranchit aussi des codes du skater. En fait, en skate, on va chercher une authenticité en skate. Pour s'intégrer dans le monde du skate, il faut un peu cocher des cases. S'intégrer dans une meute. Exactement, c'est ça. C'est s'intégrer dans une meute de skate. En fonction de l'endroit où tu vas être, les codes vont pas forcément être les mêmes. Les normes vont pas être les mêmes, mais elles se ressemblent quand même. Et donc ? Et pour s'intégrer, bah, il faut soit encenser ces normes et ces codes, soit les respecter. Et les personnes, du coup, avec ça, vont atteindre, pour reprendre un peu ce que conceptualise Bourdieu, un capital symbolique qui va donner une hiérarchie dans le skateboard. On va avoir les skateurs qui sont très authentiques, très respectés dans la pratique. Et c'est quoi ces codes d'authenticité? On en retrouve quelques-uns dans la littérature, maintenant, qui sont peut-être à remettre à jour. En l'occurrence, on va retrouver la prise de risque. Plus un skateur prend des risques et plus il est légitime. On va voir le fait que il faut être un peu en opposition avec la société, il faut être un rebelle. Et donc la skate bitch remet tout ça en cause. Ouais. Donc elle a un gros déficit d'authenticité. C'est ce qui est mis en avant dans ces études, que cette fille va remettre ça en question. Et que du coup, c'est pour ça qu'en fait, ça va être une skate bitch. C'est parce qu'elle est un peu énervante. Et la dernière, on va retrouver la lesbienne qui... déjà, dans le fait de son orientation sexuelle, ne se retrouve pas dans les cases sociales, et qui du coup va remettre en fait en question toutes ces notions de binarité qu'on retrouve dans le skateboard, parce qu'en fait, un skater, il cherche quoi? Il cherche une groupie, potentiellement mannequin, avec les seins refaits. Il va pas chercher justement une tomboy. Et du coup, cette fille-là, en fait, va remettre en question toute cette binarité. Qu'on retrouve dans le skate, mais qu'on retrouve aussi en dehors, en fait, dans notre société. With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Set the resi up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, playing the same games. Je m'appelle Mélodie Sissou. Et je suis en master réalisation documentaire à Paris 8. Comment avez-vous découvert le skateboard, Mélodie? J'ai découvert le skateboard par mon cousin, qui est américain. Et en fait, quand j'étais petite, je montais sur son skate. Et en revenant en France, j'ai supplié ma famille de m'acheter un skateboard pour Noël, à mes 9 ans. Ma grand-mère, du coup, m'achète un skateboard... Pirates des Caraïbes, de la marque Intermarché. Et dès le lendemain, il pleuvait comme pas possible. Et je suis allée dans un skatepark. J'ai descendu une rampe et je me suis gamellée. Et là, j'ai adoré la sensation, quoi. Et c'est le début d'une passion. Comment se fait-il que ce soit devenu une passion? Je pense que j'ai toujours aimé sortir des cases de genre. Et en fait, avec le skateboard, j'avais l'impression d'accéder à quelque chose qui n'était pas forcément à l'origine réservé pour moi, mais dans lequel on me faisait une place qui me plaisait. J'étais plus jeune, vu que les skateurs étaient plutôt adolescents, et j'étais une des seules filles, et c'était un truc qui pouvait me plaire aussi à l'origine, quoi. Pourquoi vouliez-vous sortir des cases? Parce que j'avais l'impression de me sentir à l'étroit en tant qu'enfant. dans ce que ça pouvait être être une fille. Parce que j'avais des copines et des copains, mais on disait que j'étais un garçon manqué parce que je voulais faire du foot et pas de l'élastique. Et qu'est-ce que le skate vous a offert précisément ? Pourquoi le skateboard ? Bah, le skateboard, c'est quelque chose qui est entre l'art et le sport. Et en fait, ça m'a vraiment permis de me développer en tant que personne, de rencontrer des gens très différents, parce que le skate, c'est une communauté qui va de 3 à 80 ans. Et j'ai pu m'épanouir en tant que personne et rencontrer des gens qui me voyaient juste en tant que personne et pas forcément comme la petite fille qui avait envie de faire du skate, quoi. C'était juste Mélodie qui avait peur de rien et voulait réussir ses tricks, quoi. Comment et pourquoi les choses se corsent-elles lorsque vous atteignez l'adolescence ? Parce que ça y est, on me voit en tant que femme. C'est là qu'il y a des questions du type « Ah, t'es une fille, tu fais du skate », qui commencent à émerger, ce qui n'arrivait pas quand j'avais 9-10 ans et que peut-être je n'avais pas encore atteint la puberté. Et ça se corse parce que c'est par le regard des autres que je conscientise le fait d'être une femme, finalement. Pas que ça me pose un problème, mais c'était juste étrange que d'un coup, ça commence. Et ça se manifeste comment, concrètement ? C'est des changements d'attitude au skatepark. Ça va être des mecs qui vont pas apprécier que je sois plus forte qu'eux, ou me challenger pour me montrer que je suis moins forte qu'eux. Et puis, ou parfois de la drague, jamais trop lourde, mais ça peut être un lieu pour ça. Mais c'est pas le but d'aller au skatepark pour se faire draguer, quoi. Pourquoi les filles se planquent-elles dans un coin du skatepark ? Eh ben, pour beaucoup de raisons, parce que déjà au tout début, quand on n'est pas à l'aise sur sa planche, ça fait un peu peur de se retrouver au milieu parce qu'on ne sait pas quoi faire quand quelqu'un nous fonce dessus. Et en skate, en fait, il y a tout le temps des moments où il faut changer de trajectoire, il faut freiner, ralentir, etc. Et on ne peut pas toujours l'anticiper. Et quand on est débutant, c'est quelque chose qui nous fait très très peur. Ranja Kanouni, skateuse, prof de skate et trésorière de l'association Relax. Et je pense que plus largement, en tant que fille ou femme, on a aussi été éduquée... dans l'espace public, on a plutôt tendance à se cacher, à se faire petite, à pas prendre notre place, en tout cas pas la revendiquer de nous-mêmes. Et du coup, c'est peut-être plus difficile de prendre l'initiative et d'aller dans le skatepark, entre guillemets, s'exposer, prendre des risques et s'imposer, parce que ça demande de s'imposer, en fait, quelque part. Et je pense que cette démarche-là, elle est un peu plus compliquée pour les filles et les femmes de par notre éducation dans une société où, globalement, l'espace public... il est plutôt réservé aux hommes dans la pratique courante, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir reçu une éducation, d'avoir un caractère qui vous prédisposait à passer ces frontières qui, dans les biais de genre qui existent dans notre société, sont traditionnellement réservées aux hommes ? Bonne question. J'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère. Donc déjà deux femmes fortes qui menaient leur vie toutes seules sans mec, donc peut-être que ça m'a aidée à me dire il n'y a pas de limite, on fait ce qu'on veut, c'est possible. J'y ai pas réfléchi à ce point. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de filles ou femmes qui réussissent dans le skate et qui skatent bien, il y en a quand même beaucoup qui ont repris les codes masculins pour s'imposer dans le skatepark et qui vont pour réussir à skater, en fait, et elles vont se mettre à snaker, à s'imposer, à prendre leur place, à se dire moi j'y vais et advienne que pourra, tant pis pour les autres, quitte en fait finalement à entretenir un peu ce climat de il faut se dépêcher, il faut y aller, il faut s'affirmer pour rouler, qui paradoxalement va empêcher d'autres nanas d'aller skater parce que elles, cette ambiance là elles ont pas été habituées à évoluer dedans et à s'imposer. Et un des enjeux, si on veut qu'il y ait plus de filles qui arrivent à rouler, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde ait sa place, y compris les personnes qui ont pas envie de jouer à coucou je m'impose et je m'en fiche des autres, quoi. quand on regarde comment les gars skatent dans un skatepark, c'est beaucoup de la conquête territoriale. Alors de la conquête vis-à-vis du module, ils aiment bien se dire bah, le module, je l'ai maîtrisé, je l'ai dominé, j'en ai fait ce que j'ai voulu, j'ai fait ma figure dessus. Et cette logique-là, un peu de s'approprier l'espace, de se l'accaparer et de le dominer, de le maîtriser, c'est une logique très de domination un peu patriarcale. Donc effectivement, quand on dit bah, en fait, il faut faire de la place à tout le monde, on est complètement dans l'antithèse de cette affirmation-là. Donc on est un peu, oui, dans cette logique-là où il faut casser un peu des réflexes. Et ça, c'est toute une éducation, toute une logique à reconstruire. Non, bah non, là, t'étais trop en arrière. Ah oui, oui. Moi, au tout début, j'étais comme les autres filles, à me planquer un peu sur le côté. Mais au fur et à mesure des expériences, on est un peu obligé, en fait, de le faire. Et d'autant qu'avec Relax, bah, on essaye aussi de donner confiance un peu aux filles pour aller sur le skatepark, etc. En fait, les gens se rendent pas compte, mais quand on a des pitchounes, là, on a un cours de pitchounes, c'est des 5-8 ans. Qu'on va avoir, elles vont pas forcément le dire d'ailleurs, mais s'il y a quelqu'un qui vient qui se met à rouler à fond au milieu du skatepark, elles vont juste s'arrêter et elles vont pas oser repartir. Et alors ça peut être quand ils roulent, mais ça peut être nous ce qu'on a vu plusieurs fois. Et au début, j'osais pas trop leur dire de le faire. Maintenant, j'y vais direct et je les fais partir. Mais pendant longtemps, notre créneau il est jusque 16h. De moins le quart à 16h, en gros, on avait les garçons qui se mettaient, qui montaient sur la rampe et qui parfois même faisaient le décompte. En mode, il reste 5 minutes, il reste 3 minutes, il reste 2 minutes. Il comptait les 20 dernières secondes, 20, 19, 18. Et en fait, ça mettait en stress et elles osaient plus rouler. Et en fait, le dernier quart d'heure de créneau, il était ruiné parce qu'elles étaient sous la pression de 15 gamins qui étaient là en mode, attention, à 16h, c'est à nous, vous allez voir. Et depuis, bah, maintenant, quand je les vois, je leur dis, écoutez, vous allez attendre, mais dehors. Puis vous n'allez pas leur mettre la pression parce que c'est pas juste. Et c'est souvent cet exemple-là que je donne parce que à Relax, on nous demande beaucoup « Oh oui, mais pourquoi vous faites des créneaux où il n'y a que des filles ? Est-ce que c'est pas mieux qu'on apprenne à skater ensemble, etc. ?» Je leur dis « Oui !» Sauf qu'en fait, aujourd'hui, si on met tout le monde sur le skatepark, souvent, bah, on va se retrouver avec des filles qui vont pas oser rouler. Et on a besoin, elles ont besoin de ce temps-là pour prendre confiance dans leurs capacités, pour apprendre à rouler, pour se sentir légitimes, pour pouvoir ensuite avoir l'audace, entre guillemets, d'aller skater avec tout le monde et de se sentir à l'aise, et de devoir s'imposer pour avoir le droit d'essayer de rouler, bah souvent ça en décourage beaucoup. Et ça, c'est vraiment dommage. Excusez-moi, vous vouliez skater là, c'est ça? Complètement, ouais. Et puis c'est réservé? Bah, c'est pas grave, je vais aller dans la rue. C'est là qu'on fait du skate aussi. Voilà. J'imagine que, comme on a pu le voir, les diverses polémiques qui ont eu lieu sur les réunions réunissant exclusivement des femmes ou des personnes racisées ont été l'objet de critiques acerbes. J'imagine que vous avez fait l'objet de ce genre de critiques, vous, Harry Alax, à organiser des sessions exclusivement féminines. Oui, oui, on a été l'objet de critiques. On nous a souvent dit, mais en fait, vous faites l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on skate ensemble et il ne faut pas qu'il y ait que des nanas qui skatent. Et ça, effectivement, on l'a entendu. Et on a des temps mixtes. Nos girls sessions, en fait, c'est des sessions mixtes. C'est juste qu'on dit aux nanas, bah, il y aura des nanas. Donc, si vous voulez voir d'autres nanas, bah, venez. Mais en soi, il y a des gars qui viennent skater avec nous, justement, parce que c'est la bonne ambiance, qu'on n'est pas à se mettre la pression et qu'on est là à tous s'encourager. Et notamment, on a des mecs débutants qui se sentent un peu tout seuls aussi dans les skateparks face aux mecs qui sont super forts et qui se disent « Mais j'aimerais bien, moi, une ambiance inclusive où j'ai le droit de rater et où on me regarde pas de travers et on m'empêche pas de skater si je sais pas skater. » Et du coup, qui viennent skater avec nous, qui prennent du bon temps et ça, on sait le faire. Mais en fait, la seule chose qui est entre guillemets non mixte chez nous, c'est les cours. Et vu qu'on n'a pas beaucoup de créneaux et beaucoup de nanas qui veulent skater, bah pour l'instant, on reste sur du créneau non mixte, tout simplement. Nous, sur Paris, on a 4 fois dans la semaine où on peut donner des cours de skate. Et bah, chaque année, enfin rien que là, en début d'année, on a encore dit non à une cinquantaine de filles qui voulaient prendre des cours avec nous. Et donc, bah, en fait, tant qu'on n'aura pas répondu à la demande des filles, désolé les gars, mais on ne pourra pas vous donner de cours de skate. C'est pas qu'on vous aime pas, c'est juste qu'on n'a pas le... Il y a déjà plein de filles qui veulent prendre des cours de skate et qui ne peuvent pas, quoi. Donc, pour l'instant, c'est notre priorité à nous, Relax. C'est plutôt d'accompagner ces filles-là dans leur découverte du skate et d'essayer de leur mettre le pied à l'étrier pour que derrière, elles se sentent à l'aise à rouler sur tous les terrains, dans tous les contextes. Déjà, je me suis plus allégée et je suis plus allée en avant. Donc, Thelma. Non, Céleste. Et Thelma. Thelma, oui. Vous avez quel âge l'une et l'autre? 14 ans. Quand est-ce que vous avez commencé le skate? Il y a 3 ans, ouais. 2-3 ans. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça avait l'air sympa, les sensations, le mood autour avec tous les gens, ça me donnait vraiment envie. C'est quoi le mood autour avec tous les gens? Le fait de continuer ses tricks, aussi les gens qui s'entraident entre eux, tout ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le skate, Thelma? La communauté, elle avait l'air cool, et ça avait, parce que moi je faisais de la gym et c'était un peu toxique, et là ça avait l'air d'être un univers plus cool et plus friendly. Et c'est vrai que relax, ça m'a beaucoup aidé pour m'imposer dans les skateparks et montrer que les filles aussi peuvent savoir faire du skate et peuvent être fortes aussi, quoi. Qu'est-ce qui change quand on est entre filles? On se sent toutes pareilles, on se sent plus comprises. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu as un meilleur niveau, tu y vas plus facilement dans les skateparks? Oui, j'y vais plus facilement parce que j'ai moins peur du regard des gens et que je me dis que le regard des gens, on s'en fiche au final. Mais quelquefois, quand tu vois qu'il y a vraiment que des garçons et qu'ils sont super forts, j'ai toujours un peu peur de les gêner ou que je sois pas assez forte, quoi. Vous sautez combien de marches? 3, 4, je sais pas. Ça dépend, mais 5, je crois que 6, c'était mon maximum. Et c'est quoi le style qui vous fait rêver? Un style où quand les gens nous voient, ont l'impression que ce qu'on fait, c'est facile, alors que il y a des années de travail derrière ce que j'ai réussi à faire. Et j'aime bien, quand je me fixe un objectif, le réussir et réussir la figure que j'ai envie de faire à la fin de la session, quoi. Non, moi c'est plutôt l'inverse, j'ai plutôt peur du coup. Et c'est bien parce que le skate ça me permet de surmonter mes peurs, mais j'ai quand même beaucoup de blocages, du coup c'est un peu relou. Voilà. J'adore skater avec la musique, mais plus quand je suis seule. Et comme j'aime bien écouter L'Homme Pâle, parce que c'est un ancien skater. L'Homme Pâle, il a chanté une chanson sur le skate, lui? Oui, même son album, il est consacré Flip, c'est le nom d'un tricks de skate. 10 fractures, 6 entorses, ça renforce. Mais j'ai appris à aimer les bienfaits de Sken. Board, nose, bone, taille 8-5. Pour mes grosses chevilles, j'ai du confort en rap. Gros flow, gros morceau, jamais un aussi bon rappeur n'avait vraiment fait de skate. Fibble front, hard flip, jamais un vrai skater n'avait été aussi fort en rap. Hey. Je me déplace en skate, des gaines de clochard à la Chris Cool. J'ai la dalle, j'ai pas d'oseille, du son dans les oreilles, je me crois à San Francisco. Ça rend immortel, au-dessus des autres, faut rouler pour le croire. Je me sens immortel, faut rouler pour le croire. Antoine, c'était un vrai peace drunk, c'est ce que les panneaux disent. Je me suis déjà tout cassé 5 fois. Nouvelle board, nouveau poignet, j'ai pas lu la notice. Aujourd'hui, ça va skater comme un autiste. Je suis en forme, j'ai bouffé 6 steaks. Je descends dans la rue comme à la fin des 60s. Je suis un vrai, pas une pisseuse en mode cystite. Nique les règles, nique le système, roule une grosse saucisse d'herbe. Beaucoup trop d'énergie en moi pour que je m'asseye. Je reste debout, je suis toujours bien calé comme un fibre. En road trip de Marseille jusqu'à Marbella, y'a des sessions pour lesquelles j'aurais claqué ma paye. Sauter 100 fois les mêmes marches en braillant c'est mal. Mais je continuais jusqu'à ce que les croûtes sur mes bras en aient marre. C'est de la magie, imagine. J'en serrais mes jeans à la machine à coudre pour ressembler à Brian Herman. Chloé, on est où? Qu'est-ce qui se passe? On est au Bol du Prado à Marseille. Mardi soir, il est à exactement 18h08, je dirais. Il fait chaud, il fait beau, on est passé à l'heure d'été et on va faire les cours de skate adultes, mixtes, avec Sacha et Stéphane qui sont là avec nous aujourd'hui. C'est toi la prof? C'est moi la prof, ouais. Vous êtes débutant? Je suis débutant, j'ai commencé cette année, mais essentiellement parce que c'était Chloé qui était prof, on va pas se mentir. Parce que c'est la star du bol, c'est comme ça, c'est la star de Marseille, c'est la star féminine du skate, hein, je crois, en France. Enfin, en tout cas, de mon prisme à moi, de mon point de vue. On va faire les échauffements. Chloé Bernard, skateuse. Allez. C'est ça? C'est ça, oui. Skateuse et artiste aussi. Chope les hanches et on pousse. Moi, depuis toute petite, je faisais du foot, enfin, je me cassais la gueule tout le temps, donc je voulais être un garçon, oui, donc j'étais dans un milieu masculin tout le temps, quoi. Depuis que je suis née, je trouvais ça... Juste d'être une fille à cette époque-là, je voulais être un garçon, quoi. On pensait que j'étais un petit garçon aux cheveux longs. Je disais à ma mère, qu'est-ce qui est mignon, votre petit garçon aux cheveux longs. Donc voilà, oui. dans mon idée d'un truc cool, c'était le skate, quoi. Le skate, le surf, le snowboard, tout ce qui était rider, aller vite, enfin, c'était la prise de vitesse, de risque, d'adrénaline, ça m'a toujours plu, quoi. Tout simplement. Et puis, dans le skate, il y avait un truc très underground qui m'a toujours attiré, quoi, clairement. Chiller dans la rue avec ses potes, faire un peu ce qu'on voulait, prendre possession de la ville comme on l'entendait et en faire sa possession, quoi. Vraiment, c'était ça et être libre, écouter du rock et faire la teuf. Il y avait toute cette image autour de ça qui m'a toujours plu. Et puis, il y avait aussi l'esthétique, clairement, qui m'a plu. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis peinte des skateparks. Enfin, il y avait un truc qui m'a vraiment attirée là-dedans, quoi. Molo, molo. Alors. Dans ce que j'ai lu sur vous, puisque vous êtes une skateuse connue en France, vous dites aux uns, aux autres, moi quand j'ai commencé le skate, je m'en foutais d'être une femme, j'aimais bien être au milieu des mecs. Et puis petit à petit, vous avez pris conscience qu'il y a finalement un skate féminin. Ouais, mais je pense que comme toutes les filles de ma génération, au début on était moins à l'aise, enfin on se demandait ce que ça allait être, quoi, tout simplement. Et en fait, c'est que du positif, quoi. On s'est rendu compte qu'on était toutes un peu spéciales à notre niveau et que finalement ça allait, nous donner de la force d'être ensemble et qu'il fallait, ouais, créer cet espace-là, quoi. En fait, le skate vous a féminisé. J'ai vécu ma féminité à travers le skate, oui, c'est sûr, puisque ça m'a pris du temps à vivre ça, et que je skatais déjà, donc ouais, c'est clair, on peut dire ça, ouais. Enfin, après, ça évolue, mais à la base, on nous met dans des cases, dans des positions, et... C'est ce que je fais un peu, là, d'ailleurs. Ouais, du coup, je sais plus quoi, comment faire pour m'en sortir. Mais c'est intéressant, Moi, je suis très contente d'être une femme. C'est... C'est une force énorme, quoi, justement, de devoir réfléchir à tout ça avant de juste s'exprimer, quoi. Ce que je leur fais faire, c'est ça. On débloque les lignes dans le trèfle. Les lignes, c'est la route qu'on va prendre. C'est pas évident de traduire en langage moldu. La vie. C'est fun. Viens plus sur la pointe, sur tes doigts de pied. Pour moi, en fait, il faut donner des espaces pour que les filles puissent rentrer dans un skatepark, s'intégrer, montrer ce qu'elles ont à faire et montrer qu'elles sont légitimes d'être là. Mais il faut aussi être un peu éducatif. Il faut déconstruire les skateurs. Exactement, il faut les déconstruire et leur montrer que tu peux partager une session avec une fille. Et que ça se trouve, elle va te mettre la pin en out. Marine Montesinos, skateuse. Ça veut dire quoi, la pin en out? Un out, c'est un jeu en skateboard où on fait des figures. Donc on a un skateur qui va faire une figure et tous les concurrents dans le jeu vont devoir faire la même figure. S'ils la réussissent, c'est bon. S'ils la réussissent pas, ils ont ce qu'on appelle une lettre. Donc par exemple, le out, c'est O-U-T. Donc il va avoir un O. Quand tu arrives à T, donc ça veut dire que t'as raté 3 figures, t'as perdu. Et ça, c'est un jeu que dès que tu vas sur un skatepark, tu retrouves. Et maintenant, les filles, elles peuvent très bien battre des mecs. Mais en soi, aujourd'hui, c'est différent. Parce que autant tout à l'heure, j'étais la seule peut-être. Mais il y a des fois où j'arrive au skatepark, il y a pas un garçon pour 10 filles. Quoi. Ça me fait sourire. Parce que des fois, je regarde autour de moi et je réalise qu'on est carrément en supériorité numérique. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, quoi. Comment vous expliquez que vous soyez de plus en plus nombreuses ? Eh ben, je pense qu'il y a plein d'effets qui se combinent. Il y a l'effet tout simplement que le skate lui-même est de plus en plus populaire et quand il y a de plus en plus de pratiquants, bah, ça s'élargit aussi aux pratiquantes. Ça, c'est un aspect. Je pense qu'il y a aussi l'aspect de l'action associative sur le terrain. C'est que nous, Relax, ça va faire 10 ans en 2024 qu'on organise des girls sessions. Et du coup, bah, forcément, sur le terrain, ça se ressent puisqu'il y a plein de filles qui sont passées par l'assaut. Et puis là, une chose qui est en train de changer pas mal la donne, notamment au niveau des compétitions, c'est que depuis qu'il y a le skate aux Jeux Olympiques, une des exigences de l'olympisme, c'est qu'il y a masculin-féminin. Et ça, du coup, bah, ça oblige, en fait, à, bah, dans tous les pays qui veulent un peu jouer cette compétition-là, à se dire, mais on n'aurait pas, nous, des filles aussi qui pourraient être championnes olympiques et on n'aurait pas des filles qui skatent chez nous, on pourrait pas les aider un peu. Et du coup, bah, l'air de rien, ça a fait un gros travail en disant, bah oui, mais en fait, on est obligé de regarder aussi les filles, sinon on manque la moitié de la cible. Et je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé à ce que bah, ça devienne normalisé, en fait, de se dire, tu fais une compète de skate, il faut qu'à un moment donné, il y ait une part féminine, sinon c'est que t'as raté ta compète, quoi. T'as fait une demi-compète. Sans doute que c'est lié à ça, oui, effectivement. Marion Desquennes, réalisatrice de documentaires et skateuse. Clairement, je pense que pour les marques qui maîtrisent le secteur du skate, il n'y avait pas d'enjeu commercial, il n'y avait pas de marché. Donc elles avaient vite fait souvent des skateuses qu'elles sponsorisaient, à qui elles envoyaient des paires de chaussures pas toujours à leur taille, etc. Enfin voilà, on faisait en sorte qu'il y ait de temps en temps sur des contests une ou deux filles, mais pas tant que ça. La Street League, qui est le circuit qui a été pendant des années le circuit mondial privé avant l'arrivée des JO, n'a intégré des femmes que, je crois, à partir de 2018-2019. Avant ça, il n'y avait même pas de catégorie femmes. Et hors des circuits de compétition, à partir du moment où vous ne permettez pas à vos athlètes, à vos skateurs, bah, de voyager, forcément, ils n'existent pas. Et donc, ça ne crée pas de modèle, ça ne permet pas à des petites filles ou à des gens de se dire, ah ben tiens, si elle le fait, moi aussi. De l'importance du modèle. Il fallait qu'émergent un certain nombre de stars dans le monde entier, de skateuses femmes, qui deviendraient des modèles pour des milliers de petites filles. Et je pense que c'est arrivé à un moment où on est après le mouvement MeToo. En gros, la société a besoin de mettre en avant les femmes, et ça se passe aussi dans le skate, vraiment. Effectivement, on a de plus en plus de marques qui s'intéresse à la pratique féminine du sport et notamment du skateboard. Oranja, professeure de skateboard et trésorière de l'association Relax. Ils se sont rendus compte que ça multipliait par deux, je pense, leur capacité à vendre des produits, donc c'est toujours intéressant pour gagner des parts de marché. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que bah, pour vendre, il y a toujours cette idée reçue selon laquelle il faudrait répondre à un idéal, et puis cette construction d'idéal. C'est vrai que parfois dans le skate, ça ressemble un peu à l'idéal de la blonde bronzée californienne qui roule au bord de la plage. Ce qui correspond pas forcément d'ailleurs à ce à quoi ressemblent les skateuses. Ça peut dans certains cas, mais pas toujours. On a vu aussi des marques qui faisaient beaucoup du rose, des paillettes pour les filles, ce qui correspond à certaines filles, mais pas du tout à d'autres. Et donc oui, on a un peu ce biais-là parfois qu'on retrouve. I could run through the night. The wind is my bedfellow, muscles, bones in flight. Make the dust swaps be a little wrong side of time. Angel is mine. Wrong side of time. Angel is mine. Je dis souvent que le skateboard m'a vraiment sauvé la vie. Dans le sens où, quand j'étais au Cap-Vert, j'avais 100% confiance en moi. J'ai jamais connu la différence, en fait, les histoires de couleur de peau, le racisme, tout ça, j'ai jamais connu ça. Marina Correa, championne du monde capverdienne de longboard. Et en fait, en arrivant ici, j'ai senti en fait la différence. J'ai senti qu'il y avait des remarques sur mes cheveux, sur mon accent. Parfois en cours, je n'osais pas participer parce que je savais très bien que derrière, après, ils allaient se moquer. Donc ça m'a mis dans une sorte de prison et il n'y avait que moi en fait qui pouvait me sortir de là. Et j'ai écouté beaucoup France Gall parce qu'en fait elle prononçait les mots d'une manière tellement élégante en fait que j'écoutais sans cesse ses musiques et pour apprendre à bien prononcer et faire en sorte à ce qu'on ne se moque pas de moi en fait. Donc j'écoutais ça et puis en fait est venu le skate. C'est comme si la Marina qui existait déjà était un peu mise sur le côté. Et que c'était place à la nouvelle Marina qui commençait à faire du skate, qui c'était comme un personnage en fait. Avec le skate, j'avais l'impression que j'étais moins jugée, que les gens trouvaient ça cool, parce qu'avant je faisais ça beaucoup pour le regard en fait, pour occulter un peu le côté justement d'être une femme noire, tout simplement. Souvent on me dit que rien que le fait que je skate en tant que personne, c'est un acte militant. Et je dis souvent que oui, c'est vrai, mais que je suis pas une militante, que je ne veux pas que les gens me collent l'étiquette de militante parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne et parce que je fais du skate. Je suis juste une femme qui en fait s'amuse sur un skate, tout simplement. Mais en même temps, c'est quelque chose de bien aussi parce que malgré tout, les grosses marques mettent souvent en avant le même profil qui est hétéronormé. Et moi, je revendique souvent, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur Twitter il y a 3 ans, que j'étais la première femme noire, africaine et capverdienne à avoir gagné ce titre de championne du monde. Et c'est bien parce que du coup, ça va inspirer d'autres minorités justement à venir dans ce milieu-là. Parce que le skate, c'est un sport de riche, on va pas se mentir, c'est très cher. Mais si vous voulez vraiment envie de faire quelque chose, rien ne vous empêchera de le faire. Et c'était justement pour inciter les gens à venir en fait dans ce monde-là, que c'était pas réservé qu'un seul public. Qu'il faut de la représentation, c'est important. Et au plus profond de moi, ce que je souhaite, c'est que les marques ou même l'industrie du cinéma, quand vous mettez en avant un sport, pensez à toute la nouvelle génération qui va regarder en fait et qui va s'en inspirer. Et voilà, c'est entre guillemets un peu ça mon combat, quoi. Mais je pense que malheureusement, il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'opportunités que moi parce que justement elles sont hétéros et parce qu'elles sont blanches. Est-ce qu'il y a, pour terminer l'émission, quelle chanson de France Gall voudriez-vous qu'on diffuse ? Résiste, j'aime bien Résiste. C'est vraiment je pense, ma chanson préférée. Prouve que tu existes. Voilà, je dirais ça, Résiste. Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite. Comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. C'était Skate de la rue Ogio. Troisième épisode, Les skateuses prennent la rue. Un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakubowiez. Avec Claire Essertel, Géraldine et Marine Montesinos, Marion Deken, Mélodie Sissou, Ranja Kanouni, Thelma et Céleste, Chloé Bernard et Marina Correa. Documentation Anne-Lise Signoret, mixage Éric Villenfin, attaché de production Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste.